La puissance de l'intention et de l'attention dans la pratique de la montée en vibration. L'intention est l'énergie dirigée vers un objectif spécifique, tandis que l'attention est la concentration mentale et émotionnelle sur cet objectif. Clarté de l'intention. Pour monter en vibration de manière efficace, il est essentiel d'avoir une intention claire et positive. Définissez ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, que ce soit la paix intérieure, la santé, l'abondance ou la connexion spirituelle. Une intention claire permet de canaliser votre énergie vers un but spécifique. Affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations positives qui renforcent votre intention. Utilisez des affirmations telles que « Je suis aligné avec l'énergie universelle » ou « Je suis rempli d'amour et de joie ». Répétez-les régulièrement pour ancrer votre intention dans votre subconscient. Visualisation créative. La visualisation est une technique puissante pour renforcer votre intention. Imaginez-vous déjà en train de vivre votre intention réalisée. Sentez les émotions positives associées à cette réalisation. Plus vous vous imprégnerez de cette vision, plus elle se concrétisera dans votre réalité. Focus sur le positif. Portez votre attention sur les aspects positifs de votre vie et des situations que vous rencontrez. Évitez de vous attarder sur les problèmes ou les émotions négatives. En dirigeant votre attention vers le positif, vous émettez une énergie vibratoire élevée qui attire davantage de positivité dans votre vie. Présence consciente. Pratiquez la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Soyez pleinement présent à l'instant présent, en accordant une attention consciente à chaque action que vous entreprenez. La pleine conscience accroît votre connexion avec votre soi profond et favorise une montée en vibration naturelle. Méditation et respiration. La méditation est un moyen puissant de calmer l'esprit, de se relier à son être intérieur et d'augmenter son niveau vibratoire. La respiration profonde pendant la méditation permet de relâcher les tensions et de laisser circuler l'énergie librement. Pratiquez la gratitude. La gratitude est une émotion élevée qui ouvre votre cœur à l'abondance. Prenez l'habitude de remercier chaque jour pour les aspects positifs de votre vie. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez des raisons de l'être. Évitez la dispersion. Évitez la dispersion mentale en vous focalisant sur trop de choses à la fois. Concentrez-vous sur quelques intentions principales à la fois pour canaliser votre énergie de manière optimale. Élevez vos fréquences. Engagez-vous dans des activités qui élèvent naturellement vos fréquences vibratoires, telles que la musique apaisante, la danse, la nature, l'art ou la pratique de la gentillesse envers les autres. La pratique régulière. La montée en vibration n'est pas une réalisation instantanée, c'est une pratique continue. Soyez persévérant et engagez-vous dans ces méthodes régulièrement pour intégrer une élévation constante de votre énergie vibratoire. En pratiquant la puissance de l'intention et de l'attention, vous devenez le créateur conscient de votre réalité, attirant des expériences positives et élevant votre niveau vibratoire vers des états de conscience supérieurs. Soyez ouvert aux transformations intérieures et aux merveilles que cette pratique peut apporter dans tous les aspects de votre vie. Page 6 section 5, nous allons voir comment surmonter les obstacles qui peuvent entraver la montée en vibration. Page 6 section 5.